foulés au sol comme leur vaquaise. Notre son dans leur caisse, on fait des tresses. Sur l'autoroute du rap, on les laisse en haisse. Plus de stress, ligne de cesse. En 2000, ma thèse, qui me teste. Je lâche une caisse, notre son à fond dans leur caisse. Haisse, ils sont tous des rêves. Mon son dans ta touffe, lyrics de ouf. Certains sont connus, sortent baraqués comme mousse d'ouf. Le rap showbiz, j'en ai rien à foutre. Les MC tournent la pelouse de mon terrain de foot. Ouvre ta bouche que je crache mon foudre. Nos rêves se sont noyés dans l'illicite pousse. À la conquête de la réussite munie d'un calibre 12. Quand il y a Abdella ici, le torse m'a confus que tu aimes 12. La vie est dure, je l'adoucis avec la drogue douce. Dans ma hure, certains veulent faire carrière dans la drogue dure. Aujourd'hui, rien n'est dur, rien n'est pur. Vie d'ordure, vie d'ordure. Coup dur et point de suture. Le cerveau sature, leur fond en serre. La ceinture, si ça dure. 32 000, ma zune, la plaquette. Dans le calbut, chute à cause des stupides slues. Nous, voilà donc dans le rap game. On décolle, les MC restent roulés au sol comme leur bad case. Notre son dans leur caisse, on fait des 13. Sur l'autoroute du rap, on les laisse en haisse. Coup de stress, ligne de 16. 32 000, ma thèse, qui me taise. Je lâche une caisse, notre son à fond dans leur caisse. Haisse, ils sont tous des rêves. C'est la guerre du son, la haine du terre-terre dans le son. C'est pas les schnecks, mais les schmitts que nous harcelons. Les rappeurs verrés par notre art, le son. Ils ont pas retenu la leçon. Ni duc, ni baron, juste les patrons. On faut hala hala et nous partons. Ni désolé, ni pardon. Sur un son américaine version, je dédicace à mon garros chaotique. Émotion dramatique sont nos actions. Notre action reprend les rênes, reste à la traîne. J'ai de l'essence dans ma haine ken. Affronte ou crains, j'ai toujours rap le trône et bouillable la reine. Ski, qui, montagne à l'arbi, qui parraine. Y'a du rappeur sous nos bad guesses. Nous, voilà donc dans le rap game. On décolle, les MC restent roulés au sol comme leur bad guesses. Notre son dans leur caisse, on fait des 13. Sur l'autoroute du rap, on les laisse en haisse. Coup de stress, ligne de 16. 32 000, ma thèse, qui me taise. J'lâche une caisse, notre son à fond dans leur caisse. Haisse, ils sont tous des rêves. 32 000 flots qui peut tester, t'es dingue, t'es dead. La nuit sortent les flingues, des sapes, des fringues. Mais annule la concurrence et trinque avec un verre d'eau. Car on vise plus haut, alors on part plus tôt. On se contente plus d'une part, on veut le gâteau. Pour ça, j'ai le haut qu'il faut, j'ai le flow qu'il faut. C'est du P-flow, dans la spirale infernale, l'illicite, l'horizon est flou. On débarque pas dans le rap, rap, l'arbi fab, fab. Si tu parles mal, salé sera l'addition. La démo finit en démolition. Je n'ai qu'une conviction, comme savant d'addiction. Là mon rap de test. Des mecs qui pensent à toi, y'en a pas. Les F, fais toi la passe et marque tout seul comme R.O.H. Les F, dédicace au quartier ouest. A des mecs en place comme H.A.S. Nous, voilà donc dans le rap game. On décolle, les MC restent collés au sol comme leur bad case. Notre son dans leur caisse, on fait des 13. Sur l'autoroute du rap, on les laisse en haisse. Plus de stress, ligne de 16. 32 000, ma thèse, qui me taise. Je lâche une caisse, notre son à fond dans leur caisse. Haisse, ils sont tous des rêves.